Tu veux te marier avec elle, mais t'es noire. Les autres, ils disaient comme ça qu'elle était trop bien pour moi. Donc moi, je faisais de la peine à voir, moi. Moi, je continuais ma parodie, mon escroquerie spirituelle. Sauf que je me carottais moi-même. J'étais devenu un mensonge sur pattes qui saoule grave. Et qui sait même pas ce qu'il dit. Qui voit même pas que c'est un malade et qui dit comme ça. Qui dit comme ça tout le temps, il dit comme ça, il dit. Les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Et je vous dis, monsieur. Je vous dis, monsieur. Quand je pense à tout ça, monsieur. Je pleure. Je pleure. On a entendu Abdelmalik avec les autres. Tour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Sujet de l'heure, la montée de la droite radicale aux États-Unis. La semaine dernière, les électeurs américains ont infligé une défaite cuisante au parti du président Barack Obama en optant massivement pour des candidats républicains aux différents postes qui étaient en jeu lors de ces élections de mi-mandat. Après une campagne marquée par l'omniprésence du mouvement radical de droite, le Tea Party, les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants et actuellement ne se maintiennent au Sénat que par une courte majorité. Pour mieux comprendre les enjeux qui ont entouré ces élections, je suis rejointe en studio par le coprésident d'Attaque Québec, également un observateur attentif de la situation politique aux États-Unis, Robert Jasmin. Robert, bonsoir. Bonsoir. Je m'adresse donc, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit l'an dernier, c'est vous qui étiez réalisateur de l'émission. Cette année, vous avez décidé de prendre un peu de recul pour vous consacrer à l'écriture d'un livre. C'est bien ça? Oui. Oui? Je suis revenu à mon vrai métier. Ah oui? Bon. Mais je dois dire que l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis, qui m'apparaît d'une importance extrême pour l'avenir, non seulement des États-Unis, mais de la planète, est telle que je suis régulièrement empêché dans mon programme. Et devant l'avalanche d'informations que je reçois tous les jours des États-Unis, je me suis dit, ben tiens, ça vaudrait la peine peut-être d'en faire profiter. Tout à fait. Alors, juste pour rappeler, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes sociologue et juriste de formation. Et comme vous le disiez, donc c'est ça, vous êtes vraiment l'observateur attentif là, de tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc pour débuter, quelle est la situation actuelle aux États-Unis? Alors c'est ça, on peut parler de l'état des États-Unis, qui probablement, c'est un pays qui est finalement le cœur de l'Empire, qui se retrouve dans une situation jamais vue auparavant. Ah non? On peut dire que à l'échelle planétaire, les États-Unis se retrouvent dans la pire situation qu'ils ont jamais connue. Évidemment, on peut le voir à travers le résultat de l'élection, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Et pour ce faire, peut-être que c'est par les chiffres qu'il faut commencer pour montrer dans quel état ils se trouvent. À partir du constat, on pourra voir les causes, comment on est arrivé là et où en sommes-nous aujourd'hui, où en sont les forces en présence. Alors, les élections, si on voulait le voir d'une façon, j'allais dire visuelle, c'est toujours une façon visuelle qu'on voit les choses, on peut regarder la carte des États-Unis et si on mettait en bleu, le territoire occupé par les démocrates et en rouge, le territoire des républicains. Ce qui frappe en premier lieu, c'est comment tout le côté est et tout le côté ouest est bleu et comment le centre et le sud est rouge et républicain. Et ça nous dit beaucoup, simplement en sachant que l'Est et l'Ouest sont les parties les plus instruites de la population américaine, les plus cosmopolites, et que finalement l'Amérique traditionnelle, frileuse, peu instruite, se retrouve au centre et au sud. Donc, je rappelle que le Congrès, suite aux élections, ça donne 239 républicains contre 189 démocrates. Ça, c'est au Congrès. Au Sénat, évidemment, il faut rappeler que le Sénat américain est aussi, sinon plus important que le Congrès. Ah oui? Parce que tout ce qui passe par le Congrès doit ensuite passer au Sénat. Ah. Et c'est là que les vraies luttes ont lieu. Donc, c'est pas du tout comme le Canada, là? Pas du tout. Okay. C'est pas un dortoir, là, pour retraités glorifiés. C'est simplement... C'est des gens qui ont une mainmise sur la politique américaine qui est capitale. Et donc, tu le rappelais qu'au Sénat, il y a une légère majorité démocrate. Ils ont, mm-hmm. ils ont réussi à sauver les meubles. Mais avec la tradition du blocage systématique pour les lois importantes, je vais m'expliquer deux secondes, pour éviter ce qu'ils appellent le filibuster. Le filibuster, c'est que les sénateurs peuvent parler et bloquer un projet de loi simplement par le temps. Ah. Alors, sauf si un des deux partis a 60, il y a 100 sénateurs au total, mm-hmm. si on a 60 sénateurs, on évite le filibuster. Donc, on peut aisément, non seulement avoir la majorité, mais avoir une majorité suffisante pour éviter ce filibuster. La majorité, les démocrates l'ont encore, mais ils n'ont pas 60. Ah non? Ils ont 51. C'est entre 51 et 53, parce qu'il y a deux indépendants et il y a des courses qui ne sont pas encore décidées et qui sont en ballottage. Donc, cette situation devant laquelle on se trouve doit être prise en considération avec un sondage qui m'apparaît très important et révélateur. Parce qu'on pourrait croire que le triomphe des républicains au Congrès est un triomphe d'une volonté des Américains d'aller vers le parti républicain. Alors, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est? Il y a un sondage qui vient de sortir qui dit que 77% des gens ont voté contre quelqu'un. Mm-hmm. Et contre quelque chose. Donc, 77% des gens sont d'accord avec l'affirmation qui dit que c'est une élection négative. C'est intéressant parce que ça veut dire que, il m'arrive de donner l'exemple, quand on est enragé, quand on est frustré, on pose le geste, le seul geste qui nous est possible de poser, et devant lequel on n'a pas le choix. Je donne l'exemple du salarié qui se fait semoncer toute la journée par un contremaître mm-hmm. et qui, pour se défouler, le soir, va donner des coups de pied aux chiens chez lui. Ça défoule, mais ça donne rien. Mm-hmm. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'élection. Ah, oui. Et ce qui me porte à dire ça, c'est un article que j'ai reçu cet après-midi par Internet, sur le réseau de journalistes indépendants qui a créé son propre réseau d'information, et c'est passionnant. Je veux juste dire que je pourrais souhaiter à tout le monde d'être abonné à ce site-là. Ah oui, quel est-il? Il faut juste prendre le nom et d'aller sur Google, puis on va avoir tout de suite facilement, son site. Facilement, ça va être accessible. C'est le facilement. Site de Michel Colomb. Colomb comme C-O-2-L-O-N. Mm-hmm. Et Michel Colomb va chercher des articles importants qui sont publiés dans toutes les langues et c'est traduit en français. Et celui que j'ai reçu après-midi, que j'aurais aimé recevoir beaucoup longtemps avant de préparer l'émission, qui est de Paul Craig Roberts. Et Paul Craig Roberts, c'est quelqu'un que je lis régulièrement, dont les commentaires sont très solides sur la situation américaine. Et je veux juste donner une citation pour donner aux gens le goût d'y aller, tout simplement. Tout à fait. Et c'est le dernier numéro de Michel Colomb qui vient de sortir aujourd'hui. Voici la citation, puis vous allez comprendre tout de suite l'importance. Qui donne, par exemple, comment les deux partis en présence aux États-Unis ne font pas de différence. Il dit, aujourd'hui, pour le financement de leur campagne, les deux partis dépendent de Wall Street. Non seulement de Wall Street, mais du complexe militaro-sécuritaire, de l'AIPAC. L'AIPAC, c'est l'association qui protège les intérêts d'Israël, de l'industrie pétrolière, de l'agro-business, de l'industrie pharmaceutique et du monde des assurances. Les campagnes ne consistent plus en débats tournant autour des problèmes. Et pour avoir suivi la campagne électorale de jour en jour, je peux le confirmer, les campagnes ne sont plus que des concours d'échange de calomnies. C'était vraiment de la plus basse politique spectacle à laquelle on pouvait assister. Il continue en disant, les électeurs mécontents passent leur colère sur les titulaires des charges, et c'est ce que nous venons de voir lors des dernières élections. Les candidats du Tea Party ont vaincu les titulaires républicains lors des primaires et les républicains ont vaincu les démocrates lors des élections du Congrès. Alors, donc, c'est une élection, finalement, de défrustration à laquelle on assiste. Mais il y a des causes à ça. C'est pas pour rien qu'on se retrouve là où on se retrouve. Et pourquoi les gens étaient si en colère? Ben, il faut comprendre que on est en pleine crise économique aux États-Unis. C'est vrai, faut le rappeler. Oui, un chômage qui se maintient à 9,5% officiellement, mais en réalité, c'est plus 17%. 17% en réalité. Incroyable. Un sentiment d'impuissance. Et, comme Paul Craig Roberts le dit, une occasion de faire connaître sa rage, ou au moins son mécontentement. Et une autre cause, c'est un président qui a peut-être trop mis l'accent sur une volonté de consensus qui était impossible avec ses adversaires. Walden Bellow, qui est un économiste du Pacifique, là, je me souviens plus de quel pays, mais renommé, disait, autant Obama a su poser tous les bons gestes pour arriver au pouvoir, autant il a posé tous les mauvais gestes comme chef d'État. Quand même étonnant. Oui. Et aussi, on peut parler de... Évidemment, on pourrait développer chacune de ces causes-là, hein. Oui. Mais on peut simplement dire que il y a l'intrusion indécente du monde de la finance et des grandes corporations dans l'élection a joué pour beaucoup. Alors, c'est vraiment incroyable. Ce qu'il faut rappeler, c'est la décision de la Cour suprême de janvier dernier qui disait que les corporations peuvent financer l'élection d'un candidat sans limite. Okay, qu'est-ce que vous voulez dire par corporation? Ben, toutes les grandes corporations, les grandes multinationales, même multinationales étrangères pouvaient financer l'élection d'un candidat américain. Sur la base de la liberté d'expression. Sur la base de la liberté d'expression. On a reconnu le droit exactement. À la liberté d'expression en corporation. Parce qu'on disait qu'une corporation, c'était comme une personne. C'est écrit dans la loi, c'est bien ça. Et un des grands intellectuels américains, je termine les causes de ce résultat de la façon suivante, disait, c'est Bill Moyers, qui est vraiment un intellectuel hors pair, disait, le financement des candidats par les grandes corporations suite au jugement de la Cour suprême, est un poignard planté au cœur de la démocratie. Aïe, aïe, aïe! Où cela va mener? C'est quand même incroyable. Alors, c'est une perversion de la démocratie. C'est vraiment important ce que tu dis, hein, Robert, parce que je sais que Chomsky cite souvent une étude qui a été réalisée par des universitaires américains, que je vais citer de mémoire, parce que je ne me souviens plus exactement des chiffres. Mais ces universitaires-là avaient observé qu'ils avaient étudié une série d'élections aux États-Unis sur une période de 10 ans à peu près. Et ils étaient arrivés à la conclusion qu'à peu près 9 fois sur 10, c'était le candidat qui dépensait le plus qui gagnait. Ouais. Et donc Chomsky en tirait la conclusion qu'en gros, les élections étaient proprement achetées aux États-Unis et de plus en plus. Et ici, c'est évidemment d'autant plus le cas depuis cet arrêt de la Cour suprême qui donne un droit de financement illimité aux corporations. Et on a vu que ces élections-ci étaient de très très loin les plus chères de l'histoire des élections de demi-mandat. Et ce qui est particulier, c'est qu'avant, les grandes corporations finançaient aussi les partis politiques, les organisations politiques. Mais maintenant, elles ont le droit de cibler un candidat en particulier pour envoyer avec l'argent de la publicité négative contre ce candidat-là qu'on ne veut pas, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il est trop progressiste, parce qu'il favorise l'environnement, parce qu'il favorise les mesures sociales. Et donc, les grandes corporations veulent l'enlever du chemin. Mm-hmm. Et ils vont financer, non seulement financer l'autre, mais ils vont faire une publicité négative contre ce candidat-là. Puis on sait qu'il y a eu des milliards de dollars qui ont été dépensés en publicité. Exactement. Okay. Donc, c'est vraiment incroyable ce que vous racontez. Alors, merci Robert, merci Cédric. Alors, avant de poursuivre là-dessus, on va se quitter un instant, le temps d'une pause musicale. Restez avec nous pour la suite de cette discussion passionnante avec Robert Jasmin et Cédric Leterme. À tout de suite. Je me suis posé sur le terrain pour pareil à des balles. Mais pas gros, la chérie des chiquettes. Le vide interstitiel du néant social actuel. C'est que le politique applique devant l'économique. Autant en dire que c'était l'or qui menait le et les gens. Désormais, c'est l'âge d'or de l'argent. C'est l'or en herbe de changement. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. La monarchie des marchands. Je ne marche plus là-dedans. Je refuse d'obstiner dans le globe. Nous gobe globalement. Je ne suis pas d'accord avec l'accord multilatéral d'investissement qui traite la coupe du Nord et la culture comme l'agriculture. Avec un pareil ami, pas besoin d'ennemi. Toutes les nations unies lui déroulent le tapis au Nord. Non. On se suit à l'ouest comme à l'est. Dans les yeux, jusqu'à l'est. Empire aveuglé par la gloire du pouvoir. Je lutte pour ne pas être un gosse du négoce. Tentatoire auguste, avec juste du vin. Et des jeux à qui ne donne rien de mieux. Pour assurer systématiquement le système en place, un rebut complet. Abruti par le spectacle, la masse assemblée, qu'on offre de consommer. Se consumer cautionne la facilité. Cité comme un endroit de cité dans la cité. Le problème, c'est tout le chemin même d'un cette orchie gigantesque, dantesque escalade. J'ai une telle vision, tellement belle, dans laquelle nous brisons les chaînes et les câbles. monde avec lesquels ces fils de feu vous entourent. Ils vendraient leur mère si ce n'était les chauffeurs. Exportent leurs camions avec leur propre corps. Les gars viennent dans de la réciproque. C'est que leur porte ouverte la porte, le diable les emporte. C'est que le culte du plus, l'éloge de l'image, la bébelle embellie. Tout seul avatar et me désespère. Car ma mère la terre se détériore, attaquée par des terroristes matérialistes. Ils en sont la science, sans associer les cons, les conséquences de leur inconscience. À l'abri dans leur crèche, une climatique, grimpe et grimpe, c'est l'engrenage de leur grandeur. Alors, ils dégainent leur crêpe, toujours à la ceinture en cas de coup dur. Et transverse devant des personnes venues, mais l'ennemi des Romains est à portée de la main. Ce n'est pas le Gaulois, le Gaulois, ou le Prussien, non, non, les Roms. Regarde ton peuple de gros larmes, du fait au poste des chars. Sans plus de frais, à son retrait, à se s'expliquer. Calque Caligula, ton empire ne peut qu'aller de pire en pire et sort d'en détruire. Au nord, au sud, à l'ouest, comme à l'est, à les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Hey, c'est donc bien bon, ça. T'as dû passer la nuit à cuisiner. Ah oui, et tu devrais voir la pile de vaisselle. En tout cas, t'as vraiment du talent. Je vais te dire mon secret. Ça vient de chez Plaisir et Arôme, mon nouveau traiteur. Passez plus de temps avec vos invités et moins de temps dans la cuisine avec Plaisir et Arôme. Réservez dès maintenant votre traiteur pour vos réceptions des fêtes au bureau ou à la maison. Choisissez vos plats dans un menu santé et savoureux. Visitez plaisirearome.com. Le 12 novembre prochain, Première Ovation vous invite au Musée de la Civilisation pour une rencontre privilégiée avec Philippe Kerr, auteur des populaires séries La Trilogie berlinoise et Les Enfants de la Lampe Magique. En compagnie de Diane Martin de l'émission Retour sur le Monde à la radio de Radio-Canada, venez découvrir son parcours, ses inspirations et son œuvre. Pour assister à cette activité exclusive, téléphonez au 418 643 2158. Faites vite, le nombre de places est limité. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelier. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30, cultivez vos goûts. Miroir, miroir. Quelle est la plus chouette émission du 89.1? C'est la question à laquelle vous aurez à répondre dès le 8 novembre. CKRL vous invite, via le ckrl.qc.ca, à voter pour vos émissions et animateurs favoris. Quelle est la plus chouette émission du 89.1? Les heureux gagnants seront dévoilés lors du gala CKRL le 25 novembre prochain. Vous avez jusqu'au 18 novembre pour faire vos choix et cultiver vos goûts. Miroir, miroir. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Le Bal du Lézard. De retour au grain de sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin qui vous parle et vous êtes toujours à l'écoute de notre édition spéciale consacrée aux résultats des élections américaines de la semaine dernière. Je suis en compagnie de Robert Jasmin, co-président d'Atta Québec, et de Cédric Leterme, producteur de l'émission, avec qui nous évoquons les enjeux liés à ces élections. Alors, Robert, tu nous parlais juste avant la pause des causes un peu qui ont mené à la situation actuelle. Donc, quelle est-elle encore cette situation actuelle? C'est ça. Alors, une élection, est-ce que l'élection va changer le portrait actuel des États-Unis? Mm-hmm. La réponse, selon moi, c'est non. probablement que ça va empirer. Et quelle est cette situation dans laquelle les États-Unis se retrouvent? Je pense qu'il faudrait le donner d'une façon un peu impressionniste avec quelques chiffres, juste pour donner l'ampleur. Et ceux et celles qui voient encore les États-Unis à travers les lunettes de Céline Dion, dans sa demeure de Las Vegas, là, je pense que... C'est pas ça, les États-Unis? Ils peuvent changer leur vision. Ils vont tomber de haut. Le rêve américain, l'âge d'or du rêve américain, là, il est derrière eux. Ah oui? C'était avant les années 2000. Et c'est devenu depuis un cauchemar, particulièrement avec un indice qui trompe pas, c'est l'érosion de la classe moyenne. Ah oui. La grande victoire des États-Unis, ça avait été de créer une classe moyenne après la guerre. Mm-hmm. Et aujourd'hui, cette classe est en décrépitude. Les super riches deviennent plus riches et la pauvreté gagne les banlieues. Alors, le symbole de la classe moyenne, c'est les banlieues. C'est les banlieues, oui, tout à fait. Et c'est là, on voit même des banlieues où les autorités municipales ont dû passer des règlements autorisant les personnes à dormir dans leur auto la nuit. Pardon? Et forçant les centres d'achat entre 9h le soir et 7h le lendemain matin à ouvrir leur stationnement pour permettre aux gens qui dorment dans leur auto d'y dormir. C'est alors, incroyable, hein? Ouais. Le salaire moyen réel stagne depuis plus de 30 ans. Mm-hmm. Le revenu moyen réel per capita était de 48 879 $ en 78. Et en 2007, juste avant la crise, il était de 48 113 $ Donc, à peu près le même chiffre. Et en 30 ans. En 1950, le PDG moyen gagnait 30 fois plus que le salarié moyen. Aujourd'hui, c'est 300 fois plus. 300? Oui. Donc, c'est juste des chiffres pour montrer comment les disparités sont allées en accroissant. Hmm. En 79, 33% de tous les profits se retrouvaient dans les poches de 1% de la population. Aujourd'hui, c'est 60%. C'est le double. C'est le double. Le chômage, on en a parlé tout à l'heure, chômage réel à 17%. Un Américain sur 8 a recours aux coupons alimentaires pour manger, c'est-à-dire des coupons que le gouvernement leur fournit pour qu'ils puissent faire leur épicerie. La crise actuelle, c'est pas une crise conjoncturelle, une crise de passage, comme on en a vu plusieurs, finalement. Oui. C'est une crise structurelle. Si on ajoute à ça, au-delà de la vie quotidienne des gens, si on ajoute au niveau global une dette astronomique, un déficit commercial toujours croissant, en plus du financement de deux guerres coloniales impossibles à gagner, et ça c'est sans parler du coût d'entretien de près de 750 bases autour de la planète. Les bases militaires. Les bases militaires, oui, évidemment. Ça nous donne un pays qui est qui vit au-dessus de ses moyens. Et si on regarde l'histoire, et si on regarde l'Empire romain, mais l'Empire romain s'est écroulé exactement pour les mêmes raisons. Oh. Et peut-être un dernier détail qui a son importance, c'est que dans un pays où les juges sont élus, les juges locaux sont élus par la population, et les prisons ont été privatisées, surtout sous le règne de Bush. Alors, imaginons que pour être rentable, une prison doit être remplie. Et si les juges sont élus puis qu'il y a de l'argent en jeu, on peut penser qu'il y a collusion et que le juge a avantage à remplir les prisons. Ça donne que les États-Unis sont devenus le pays où il y a le plus de gens en prison au monde. C'est quand même incroyable. Oui. Alors, je pense qu'on peut dire que la classe possédante américaine a créé un monstre Frankenstein qui va tôt ou tard se retourner contre elle. Et là, on se retrouve avec la droite au pouvoir. Alors, qui est cette droite? Alors, ça, je pense que ça vaut la peine de la pas de la définir parce qu'elle se ça se définit mal, hein, une droite qui a plusieurs têtes ou peut-être plusieurs natures ou plusieurs visages. Ah, intéressant. C'est en partie, on va éliminer tout de suite cette droite-là, là, qui est la plus visible, c'est la droite religieuse obscurantiste. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire que c'est une droite qui est très organisée sur le plan local, puisque c'est un mm-hmm. pays où la religion compte mm-hmm. beaucoup, beaucoup, mm-hmm. À tel point qu'un candidat aux élections qui dirait qu'il est athée n'a aucune chance d'être élu aux États-Unis. Alors, donc, une droite religieuse qui donne une couleur à toutes les élections. C'est aussi une droite composée de blancs d'un certain âge, massivement, qui sont nostalgiques d'une Amérique qui n'existe plus et qui ne peut pas revivre. S'il fallait voir pendant l'élection, les pancartes des gens dans les manifestations de la droite. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disaient? « We want our country back ». Ah oui. « Nous voulons retrouver notre pays ». Et ça, c'est assez révélateur. C'est en venant dire, j'aimerais retrouver l'Amérique d'autrefois. Puis cette l'Amérique de quelle année, quelle époque? Ben, de l'époque des années 50, 60. Mm-hmm. C'est toute une image mythique de l'Amérique. En pleine croissance. Mais qui n'existe plus. Mm. Pas juste la croissance, là. Mais qu'est-ce qu'on voyait comme ce qu'ils appelaient autrefois les « All-American Boys », hein? C'était le jeune collégien en chandail, en V en avant, là, avec blanc, évidemment, et toujours blanc. Et ce visage de l'Amérique n'existe plus. Les Blancs sont presque minoritaires maintenant aux États-Unis, dans le sens où les, on dirait méchamment en Europe, les bronzés sont majoritaires. Mm-hmm. Qu'ils soient latinos, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient noirs, c'est eux maintenant. C'est multiculturel. Et c'est eux qui font des enfants aussi. Mm-hmm. Donc, l'Amérique d'aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, cette Amérique qu'ils veulent retrouver, non seulement n'existe plus, mais il est impossible qu'elle soit, qu'elle revive de nouveau. Et cette droite s'incarne politiquement dans le Parti républicain et dans sa nouvelle frange d'extrême droite dont tu parlais, c'était le Tea Party, avec des leaders particulièrement ignorant. Je le dis pas d'une façon méchante, là, je fais un constat tout simplement. Donc le constat, c'est qu'ils sont ignorants. Ignorants de la chose publique, ignorants de l'histoire, ignorants du monde. Le bien commun. Une grande partie des élus américains, une très grande partie, n'ont jamais eu et n'ont pas encore de passeport. Ils n'ont pas de passeport. Oui, tout à fait. Très révélateur, ça. Mm-hmm. Quand on n'a jamais eu de passeport, c'est pas qu'on n'est jamais sorti. On n'est jamais sorti des États-Unis. Mm-hmm. Alors, ça dit tout. Hein. Et finalement, cette droite est en grande partie composée de racistes, même s'ils ne l'avouent pas. C'est quand même un mot. Ils vont s'en défendre. C'est un peu un mot tabou, hein, actuellement. Oui, mais ils vont dire. Ils sont contre Obama et contre toutes ses politiques, sans raison. Et en fait, oui, il y en a une raison. Et c'est celle qu'il n'avoue pas, c'est parce qu'il est noir. Mm. Donc, c'est pour ça que je parle de racisme non avoué. Mais ils vont dire qu'on n'aime aucune de ses politiques. Il fallait voir les entrevues de gens. Donc, c'est un peu biais, là, c'est un peu détourné. C'est contre quelle politique de M. Obama vous vous opposez? Toutes ces politiques. Oui, mais laquelle en particulier? OK, donc il n'y a pas de politique en particulier, c'est tout? C'est lui, en fait. C'est lui qui était visé. Alors, ils se battent contre quoi, finalement? Alors, c'est les... contre quoi se bat la... En fait, ce sont des gens qui... Moi, j'appelle ça le peuple de droite aux États-Unis est un espèce de peuple de fantassins qui est dirigé par les plus puissants aux États-Unis, qui contrôlent des grands médias, et entre autres Fox News. Ah oui, Fox News. Bon, et la plupart des gens moins instruits vont écouter Fox News, qui est un organe de propagande de droite, et qui véhicule tous les principes du néolibéralisme. Donc, ceux qui écoutent cette chaîne-là, tu disais que c'était vraiment plus au niveau des États du centre et du sud? Oui, mais mais même à l'est ou à l'ouest, là, ils peuvent l'écouter, mais je veux dire, niveau de la chaîne nationale. Mais pour la droite, ceux qui on les retrouve plus, les tenants de la droite. En fait, c'est parce qu'ils sont servis de propagande tous les jours par ces grands financiers qui se servent de la population et qui se servent des électeurs pour arriver à leur fin. Parce que souvent, les électeurs vont être contre une politique qui leur est favorable. Mais on va les avoir convaincus que cette politique-là est néfaste. C'est ça qui est le plus grave avec ce qui se passe. C'est un conditionnement idéologique de la population pour leur faire dire, par exemple, que l'assurance santé, c'est mauvais, que ça coûte cher, que ça va chercher dans la poche des contribuables. Et c'est mentir parce que les compagnies d'assurance privée vont aussi chercher l'argent dans les poches des contribuables. Ah oui. Bon, mais alors, ils sont contre quoi? Ils sont contre tout ce qui est organe ou organisme de réglementation. Donc, public. Par exemple, l'EPA. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence de protection de l'environnement. Bon, alors, ils ne veulent pas... j'ai même vu hier un État où on se bat contre la réglementation de l'eau, en disant que c'est une intrusion dans la vie privée. Ils sont contre la nouvelle Agence de défense des droits des consommateurs, contre la réglementation gouvernementale, surtout celles qui viennent du gouvernement central puis qui s'imposent au gouvernement des États, des villes ou des entreprises. La droite aussi lutte sur le plan social. Elle veut privatiser les services et empêcher qu'ils soient pris en charge par l'État. Elle est en général contre l'aide gouvernementale aux plus démunis, en disant qu'aux États-Unis, chacun doit faire l'effort de s'en sortir sur le plan individuel. On voit que même ici au Québec, il y a un petit groupe de Liberté Québec là, qui va copier les discours américains et qui est d'ailleurs financé en partie par les mêmes personnes qui financent le Tea Party. Exactement. Donc on retrouve là aussi des groupes qui se veulent... La voix du peuple, qui sont au contraire financés en grande partie par les gros intérêts financiers. Absolument. Et ces gens-là, c'est aussi une lutte sur le plan économique. Alors là, ils sont en pleine contradiction parce qu'ils veulent réduire le déficit, mais en même temps, ils demandent des baisses d'impôts pour tous, y compris pour les riches. Alors actuellement, il y a un gros débat. On ne sait pas si... Obama, aux dernières nouvelles, va se tenir debout. En deux mots, c'est ceci. Bush a baissé les impôts, surtout des super riches. Et cette baisse arrive à échéance au mois de décembre. C'est bientôt. Le 31 décembre. Mm-hmm. Alors, évidemment, on peut reconduire la baisse d'impôts ou simplement dire c'est fini. La récréation est finie pour les riches. Mais Obama dit il faut poursuivre la baisse d'impôts pour la classe moyenne, mais là, il faut arrêter la baisse d'impôts pour ceux qui gagnent 200 ou 250 000 $ par année. Et eux doivent payer leur part d'une façon plus raisonnable que ce que Bush a décrété. Et les réactions? Alors, évidemment, du côté républicain, ils veulent ils veulent maintenir les baisses de Bush et en même temps, ils veulent baisser le déficit. Alors, c'est une contradiction. Sur le plan moral, peut-être la dernière facette, c'est que on voit de plus en plus de gens de droite vouloir en finir avec le principe de la séparation entre l'État et la religion. OK. Alors, merci, Robert. On va se quitter le temps d'une petite pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre dossier spécial consacré aux élections américaines, donc en compagnie de Robert Jasmin. Alors, et également de notre dévoué producteur, Cédric Leterme. À tout de suite. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, des civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin, menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, font des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, pendaison de Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps. C'était Trio avec Toi et moi. Alors, bonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1. Alors, nous poursuivons notre émission spéciale consacrée à la situation aux États-Unis suite à la victoire des Républicains aux élections de la semaine dernière. Alors, maintenant que nous avons dressé, que Robert Jasmin nous a dressé un portrait plus détaillé de la droite, où en est la gauche américaine maintenant? Alors, quand on dit gauche, évidemment, tout est relatif, hein? On peut dire progressiste. Progressiste. Oui, parce que une vraie gauche aux États-Unis. En fait, la gauche c'est toujours relatif selon l'époque et selon le pays. Mm. Parlons des progressistes pour faire un bloc un peu plus large qu'une simple gauche. Ce que je remarque depuis quelque temps, juste avant l'élection et même depuis. C'est que on entend de plus en plus chez les progressistes le mot danger fascisme. Mm-hmm. On dit que tout est en place pour favoriser l'émergence d'un certain fascisme. Il faut pas penser aux chemises brunes là, de l'époque. Non, mm-hmm. C'est pas sous cette forme-là, okay. Mais une forme plus insidieuse. Cool. Et c'est quoi la recette pour mm-hmm. le fascisme? Oui, qu'est-ce que c'est un peu, juste pour rappeler aux auditeurs un peu, qu'est-ce que le fascisme? C'est un régime totalitaire de mm-hmm. droite, où les libertés sont de plus en plus et toujours bafouées. Et c'est un régime qui favorise les grandes corporations. Mm. On oublie ça. Mm-hmm, le fascisme était au profit de quelqu'un. Donc, et actuellement, pourquoi le climat favorise une montée du fascisme, c'est que les conditions sont là. Une économie en lambeaux, des conservateurs haineux et des progressistes paralysés. Mmh. C'est ça un peu le portrait actuel là, qui fait peur un peu. Et avec la dernière élection, il y a peu d'espoir de changement sur le front de l'économie parce que plusieurs, et ça on le dit passé, plusieurs dirigeants républicains sont déterminés à ce que la situation ne s'améliore pas. Ah oui? Parce que l'objectif avoué des républicains, c'est de battre Obama dans 2 ans. Et pour battre Obama dans 2 ans, il faut que la situation, si la situation s'améliore, c'est favorable à Obama. Mais leur obsession anti-Obama est telle, et leur peu de souci de l'avenir de leur propre pays, c'est ce que j'allais dire, est telle que... au détriment de leur peuple. Au détriment de leur peuple, voilà, exactement. Ah, oui. Et il faut dire que la gauche a eu un électrochoc au moment de l'élection, et ça... Elle était déjà découragée de constater que Obama et les démocrates n'avaient pas réussi à profiter de leur situation de force. Faut jamais oublier que depuis 2 ans, là, c'était la situation idéale pour Obama. Mm-hmm. Il y avait le Congrès qui était majoritaire, le Sénat était majoritaire, et lui avait la présidence. Pendant ces 2 années-là, il aurait pu faire ses bons coups. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, on dirait que Obama s'est comme effondré. Ah. Il s'est pas replié sur sa base. Il n'a pas utilisé cette force qui était montée, qui était organisée. Il a plutôt pris des mauvais conseillers économiques qui venaient de Wall Street, qui ont dit il faut être prudent. Ah oui. Maintenant, il est dans une situation de faiblesse, alors qu'il était en situation de force. Il n'y a rien, ou il n'y a pas, c'est faux de dire, c'est pas juste de dire qu'il n'y a rien fait. Il a réussi quelques bons coups, mais il n'a pas donné ce qu'il avait promis, comme une réglementation de Wall Street, réglementation du système bancaire, réglementation de la finance. Il n'a pas osé. Ça, c'était les promesses de son élection. C'était des promesses. Et okay. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il fasse le ménage, mm-hmm, pour au moins éviter qu'on retombe dans une crise aussi grave. Or, actuellement, selon les indices qu'on reçoit, mais j'en ai même reçu avant-hier sur la Bank of America, une autre crise est en train de se préparer à l'horizon. Donc, non seulement ça ne s'améliore pas, mais ça va en s'empirant. Sauf que, et là, je pense que ça vaut la peine de faire un peu même de la psychologie. La psychologie, ça ne s'applique pas juste aux individus, mais ça s'applique aux collectivités aussi. Tout à fait. L'histoire nous apprend que c'est dans les pires situations qu'on trouve la motivation de se reprendre en main. C'est dommage qu'il faille attendre d'atteindre, comme on dit, le fond du baril. Ou frapper un mur. Et la peur du pire est souvent inspiratrice de grandes actions. Mm-hmm. Donc, il y a quand même des signes d'espoir. Quels sont-ils? Et ça, je pense que ça vaut quand même, évidemment, le tableau est tellement sombre que quand il y a quelques signes d'espoir, on peut les mentionner. Mm-hmm. C'est ce que je reçois comme communication des États-Unis depuis quelques jours, ce sont des mots d'ordre qui peuvent se résumer à ceci. Les républicains vont mettre de l'avant des politiques qui vont empirer la crise actuelle et empêcher le président, comme je le disais, d'en proposer qui pourrait améliorer la situation. Alors, il faut, disent-ils, ces progressistes, il faut se préparer à se battre sur le terrain, mais cette fois, en mettant de l'avant des politiques audacieuses et pas des demi-mesures qui n'ont fait qu'augmenter les frustrations. Parce que le vote de droite, c'est aussi des gens qui s'attendaient à beaucoup de l'administration Obama. puis qui, déçus, ont sortonné de bord, tout simplement, pour, en disant, il n'y a pas d'autre façon de montrer mon mécontentement. On ne m'en donne pas d'autre manière que de voter pour un adversaire. Alors, le signe d'espoir, c'est que, d'une part, et ça on l'oublie, le lendemain d'élection laisse présager des affrontements sérieux entre les républicains modérés et la frange extrémiste qui a permis leur élection, le Tea Party. Parce que les exigences des gens du Tea Party vont probablement créer une espèce de guerre civile dans les rangs conservateurs. Guerre civile. Ce qui devrait favoriser les progressistes. Pour terminer, soulignons des indices qui nous permettent d'espérer. Entre autres, quelques jours avant l'élection, il faut se rappeler la fameuse grande marche à Washington. Oui, tout à fait. Qui a réuni le double de personnes par rapport à la marche de droite qui avait eu lieu au début septembre, à la mi-septembre. Donc ça, c'est quand même encourageant. Mm-hmm. Oui. Il faut dire aussi d'autres indices, des intellectuels qui ont repris du service, qui ont décidé de s'impliquer, les 700 scientifiques qui ont décidé de se lancer sur la place publique pour dire « attention, c'est sérieux », les questions climatiques, toutes les questions environnementales. Donc, il y a quand même des gens là qui se réveillent. Des animateurs de télé progressistes se font encore plus audacieux dans leur condamnation des gens de droite. Je voyais ça récemment, c'est curieux parce qu'il y a un endroit assez mythique à Washington qui est un café-restaurant où les progressistes se réunissent qui s'appelle le Boss Boy and Poets. Le café Boss Boy and Poets. Il y a eu une réunion avec des gens très importants parmi les animateurs sociaux pour venir entendre Van Jones. Qui est-il? Alors, Van Jones, c'est un conseiller une espèce de ministre que Obama avait été chercher et que les républicains ont bloqué. Ah oui? Pour des raisons absolument farfelues. Et qui, au lieu de s'en retourner chez lui, dit, ben, j'ai manqué ma chance. Il s'est dit non. Mon métier, c'est animateur social et je vais le reprendre. Et il reprend parole et il reprend le chemin du pèlerin sur les tribunes pour aller défendre une politique progressiste. Donc, il y a un réveil de la base. Excellent. Et ça peut nous permettre d'espérer un peu. Alors, merci Robert Jasmin infiniment pour cette analyse de la situation des États-Unis post-élection. Alors, si vous voulez nous rappeler, si on est intéressé pour le site de Michel Colomb. Et pour ceux qui connaissent l'anglais, peuvent aller tous les jours comme consulter, c'est un vrai journal quotidien, c'est le Huffington Post. Huffington Post. H-O, oui. 2-F-I-N-G-T-O-N Post. Excellent. Alors, merci. Vraiment, ça fait un plaisir de vous avoir à l'émission. Alors, nous, on se retrouve vendredi prochain, 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. On aura un autre invité de marque de développement épais. Alors, ce sera une invitée surprise. Mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi avec 100% dynamite tout de suite après ces quelques publicités. Mais d'abord, un merci à Cédric Leterme qui a assuré la production et également la mise en onde de cette superbe émission. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL, cette radio unique et merveilleuse qui cultive tes goûts. Merci.